بسم الله والحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc alhamdulillah le dars aujourd'hui موقف السلف الصالح من المبتدعة c'est-à-dire la position du salaf salih au sujet des gens de bid'a et al-hadar wa al-tahdir min ahl al-ahwa wa al-bid'a al-mukhalifin al-sunnah c'est-à-dire de prendre garde et d'avertir contre les gens des passions et les gens des bid'a qui contredisent la sunnah d'accord الشيخ الذي قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تليف الرسول صلى الله عليه وسلم أبي سليف في dans notre religion ou qui invente dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie alors qui amène quelque chose de nouveau dans notre religion elle sera rejetée quelque chose qui l'a ramené وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد exactement le même sens, excepté que la façon de le dire c'est différent. C'est-à-dire dans ce hadith, il spécifie clairement que celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب الله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. C'est un hadith que le prophète dans lequel le prophète sallam dit celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah et donne pour Allah et retient pour Allah subhanahu wa ta'ala alors il a complété sa foi. Il a complété sa foi. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Dans un autre hadith il dit قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم فحديث apporté par l'imam مسلم dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il n'y a pas un prophète que Allah a suscité avant moi hein, dans une nation excepté que ça faisait partie de ses excepté qu'il avait parmi les gens qui le suivaient un groupe parmi ses compagnons qui prenait sa sunna et qui suivait son exemple, qui se basait sur son ordre. Puis par la suite, il y a un autre groupe, il y a des gens qui suivent, qui viennent par la suite, qui succèdent ces prophètes-là et puis qui succèdent ces gens-là, puis ils font ce qu'ils ils disent ce qu'ils ne font pas. Et ils font ce qu'on ne leur a pas demandé de faire, hein, ce qu'on ne leur a pas ordonné de faire. Donc, ça c'est des caractéristiques des gens qui viennent par la suite, qui quittent l'exemple et qui quittent la voie de leur prophète. Donc, après, le prophète a dit, فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنِ. Donc, quiconque les combat et lutte contre eux avec sa main, il est croyant. Et quiconque lutte contre eux avec sa langue, il est croyant. Et quiconque lutte contre eux avec son cœur, il est croyant. Mais après ça, il ne reste même pas le poids d'une graine de moutarde de foi. Donc, ça c'est l'exemple au sujet de من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. حياكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني vraiment beautiful. أبدت. إن شاء الله. Donc, qu'est-ce qu'il dit après? Donc, ça c'est un hadith très important qui nous fait comprendre les degrés, comment on doit changer le mal, quand on voit le mal. Soit avec la main, soit avec le cœur, soit avec la main, avec la langue ou avec le cœur. Et Yanni, on a déjà expliqué ça dans un cours précédent. Yanni, en fait, c'était le cours avant. Pas le cours dernier, le cours d'avant. On a parlé d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et dans ce hadith-là, il y avait le même principe, Yanni, en général. Mais ça nous montre quand même qu'il y a des gens qui vont venir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et eux, ils vont défendre la religion d'Allah, ils vont la protéger contre toute forme d'innovation, toute forme de déviation, toute forme d'égarement, ils vont corriger ce que les gens ont essayé de changer dans cette religion-là. D'accord? Après le chef dit, وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية من لقيهم وعليكم السلام الله من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. ففي الحديث نعم، فهذا حديث authentique rapporté par l'imam muslim de Troyes, si je me trompe pas. نعم، et probablement même par Al-Bukhari également, qui dit, selon Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vers la fin des temps, il y a des gens qui vont sortir, sont des jeunes, soufaha al-ahlam, des gens faibles d'esprit, pas très pas très éduqué, pas très intelligent non plus, c'est déjà simple. Mais ils disent les meilleures paroles, ils disent les meilleures paroles au monde. Et mais par contre, ils sortent de la religion comme une flèche quitte son arc. Ils quittent l'islam comme une flèche quitte son arc. Celui d'entre vous qui les rencontre, alors qu'ils les combattent, car il y a une récompense auprès d'Allah SWT au jugement dernier pour quiconque les a combattus. Et le chef il dit والمعنى بهذا الحديث هم الخوارج وقد قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان. Donc, le chef il dit que la description qui est donnée dans ce hadith-là au sujet de ces gens-là, ce sont les Khawarij, une des sectes parmi les sectes qui ont dévié de la Sunna, et ce sont la description de ces gens-là. Donc, ce sont des gens qui sont nouveaux dans l'islam des fois, ou bien qui sont nés dans l'islam mais qui n'ont pas vraiment éduqué, qui n'ont pas été éduqués sur la Sunna, et ils sont souvent des gens qui sont jeunes, comme ils ont été ahdath la semaine. Il faut voir aussi l'explication de l'ulama là-dessus en détail pour comprendre vraiment qu'est-ce que ça signifie cette description ahdath la semaine, ou sufaha ou l'ahlam. Après, ils disent la meilleure parole. Yani, par exemple, les Khawarij au temps d'Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient « La in al-hukmu illa lillah » ou « La hukmu illa lillah » c'est-à-dire « Il n'y a pas de jugement excepté le jugement d'Allah » et « Seul Allah a le droit de juger » ou des choses de ce genre. Donc, ils utilisaient ces paroles-là qui sont des bonnes paroles, parmi les meilleures paroles, sauf qu'elles sont mises en dehors de leur contexte. C'est pour ça que Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il a entendu ces paroles-là, il a dit « Kalimatu haqqin » كلمات حق أريد بها الباطل c'est-à-dire c'est une parole véridique par laquelle ils veulent eux quelque chose de faux hein? Parce qu'ils voulaient dire par cela que les sahaba sont des kuffars hein? Ils voulaient par cela déclarer les sahaba kuffars donc tu vois que par cette bonne parole sauf qu'ils n'ont rien compris de l'islam ils n'ont rien compris du Coran et de son explication hein? Et ils pensent qu'ils peuvent comprendre le Coran mieux que les sahaba. Donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya » Ils vont quitter l'islam plus vite que la flèche qui sort de son arc. Donc, ça veut dire que les gens, vraiment, leur compréhension de l'islam est tellement superficielle hein, qu'ils ne sont pas capables de rester dans l'islam. Et ils la quittent très rapidement, aussi vite qu'ils sont rentrés. Et on a vu ça même. Ici et ailleurs, des jeunes, ils commencent à pratiquer l'islam, ils vivent dans, par exemple, ils ont vécu dans la société en Europe ou en Amérique, et même dans les sociétés arabes, dans les pays musulmans, et puis ils ont vécu dans le péché, dans la négligence des ordres d'Allah, et tout ça. Puis, tout d'un coup, ils ont commencé à réaliser l'importance de l'islam et tout ça. Sauf qu'ils sont passés d'un extrême, ils sont allés à l'autre, c'est-à-dire là, ils commençaient à pratiquer l'islam et ils commencent à se concentrer sur quoi? Sur les questions de takfir, les questions des hukam, des dirigeants et des choses de ce genre. Et là, ils commencent à mettre toute leur concentration sur ces questions-là. Alors qu'est-ce qui arrive par la suite? Ils commencent à déclarer les musulmans comme étant des mécréants, les sociétés musulmanes comme étant des sociétés de kufr et les dirigeants comme étant des ennemis de l'islam, et ils commencent à appeler les hommes et les femmes et les musulmans et les jeunes et les vieux à se révolter et puis à faire des actes de terrorisme et tout ça. Donc ça c'est contraire au manhaj des salaf comme on a expliqué ça dans plusieurs cours auparavant. Puis le chef il dit par la suite que, donc il dit que ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait parler, c'est les gens dans ce hadith-là. C'est les Khawarij dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle dans ce hadith et Ali ibn Abi Talib les a combattus durant sa vie ainsi que le reste des sahaba qui étaient avec lui à la bataille de Nahrawan. Ça a été une bataille célèbre qui a eu lieu entre Ali et les Khawarij. Cheikh il dit فلهذه النصوص المتقدمة وما في معناها فقد حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. Donc le chef dit à cause des textes qu'on a mentionnés et de leur signification et qu'est-ce qu'ils contiennent de signification, alors les imams parmi les salafs ont averti des bid'a, des innovations et ils ont averti contre les innovateurs également. Et leurs livres ont été remplis de récitations de ces innovations-là et de récitations des gens qui les ont inventés, qui les ont ramenés et qui ont appelé les gens à les suivre. Et ces livres-là sont également remplis d'avertissements contre ces genres de choses-là, et contre les Mubtadi'a et les Bid'a. Et le chef, il mentionne maintenant une série de citations du Salaf pour nous montrer comment ils ont averti contre la bida et contre les mubtadi'a. Donc, ils commencent en citant une citation. Le chef dit « فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ يَحْيَى إِبْنُ يَعْمَرْ وَحُمَيْدٍ إِبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَحْيَى لِعَبْدِ اللَّهِ إِبْنُ عَمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا أُنَاسٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ ويتفقرون ويتفقرون Non, يتفقرون العلم. يتتبعون العلم. نعم. المعنى يتتبعون العلم. وذكر شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أمر. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله وما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Donc ça c'est une des exemples qui est arrivé au temps des salaf, c'est-à-dire au temps des sahaba, c'est la question de au sujet du qadr, une des premières bid'a qui sont apparues vers la fin de la période des sahaba, d'accord. Et c'est un hadith rapporté dans le Sahih Muslim selon Yahya ibn Ya'mar et Hamid ibn Abdurrahman. Donc eux ils venaient d'une des régions dans les endroits où les musulmans avaient conquéri, et ils cherchaient, ils étaient allés faire le hajj, et une fois arrivés là-bas à Mecca, ils cherchaient quelqu'un parmi les sahaba qui était encore en vie pour lui demander une question au sujet d'une bid'a qui était apparue dans leur région. Alors ils ont rencontré Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc lorsqu'ils sont arrivés vers lui, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, il y a vers chez nous, dans notre région, des gens qui lisent le Coran et qui cherchent la connaissance. Et il a parlé d'eux, et il a dit que ces gens-là, ils croient qu'il n'y a pas de qadar, il n'y a pas de prédestination, que les choses se font comme ça, sans aucune prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibn Omar a dit: si tu rencontres ceux-là, annonce-leur que moi je me désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Et il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala que si l'un d'entre eux donnait en offrande la montagne de Uhud en or, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait rien en accepter jusqu'à ce qu'il croie en Al-Qadar. Donc c'était pour dire que ces gens-là ont quitté la foi en Islam. Et que Allah n'acceptait rien de leurs actions tant qu'ils n'acceptaient pas de croire en Al-Qadar. Donc ça c'est le premier exemple que le Cheikh a mentionné. Après, deuxième exemple, il dit: وعن عمر ibn al-Khattab رضي الله عنه أنه قال: إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه ابن أبي شيبة. Donc Omar ibn al-Khattab, on a rapporté que Omar ibn al-Khattab a dit, c'est rapporté par Ibn Abi Shayba, un des imams parmi les ulama de hadith, il a rapporté la parole de Omar ibn al-Khattab dans laquelle il a dit que Omar a dit: je vous préviens et je vous mets en garde contre les gens qui suivent leurs opinions, qui suivent Abraï. Et en réalité, c'est un des gros parmi les gens qui sont apparus à un certain moment donné et qui plaçaient leurs opinions personnelles devant le Coran et la Sunna. Donc il y a eu différents groupes qu'on a appelés Ahlul Ra'i ou Ashab Ra'i. Il y en a qui ont, comme par exemple Ahnaf, les gens qui suivent le Madhhab al-Hanafi, à une certaine époque on les appelait Ahlul Ra'i. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui vivaient vers la région de Koufa, et dans leur région l'accès au hadith était plus limité, et il y avait beaucoup de, à leur époque, beaucoup de fabricateurs de hadith dans cette région-là. Et eux, ils avaient établi des conditions et des règles très très strictes pour pouvoir accepter un hadith. Donc, étant donné qu'ils avaient un accès limité au hadith, eh ben, ils avaient commencé à prendre l'habitude à établir les règles de la charia en se basant sur des analogies. Et c'est arrivé à un certain point où ça a exagéré. Tu vois. Donc, ils ne prenaient plus même des hadiths. S'ils trouvaient un hadith authentique, qui allait en contradiction avec leurs leurs principes ou leurs règles, ils n'acceptaient pas dans certains cas. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés Ashab al-Ra'i ou Ahl al-Ra'i. Mais il y a d'autres gens qu'on appelle Ahl al-Ra'i aussi, qui sont clairement, il y a des gens de Bid'a qui ont rejeté la Sunna, ou bien qui prennent leur position ou les opinions de leur chouyouf ou de leur maître, ou qui font une place devant le Coran et la Sunna. Donc ça, c'est de cela que Omar parle, inshallah, dans cette citation-là. Et il dit, je vous mets en garde contre ces gens-là, les gens de Ar-Ra'i, car ce sont des ennemis de la Sunna. Ils n'ont pas été capables de préserver les hadiths et de les mémoriser. Hein? Alors, étant donné qu'ils ne les ont pas mémorisés, eh bien, ils se sont basés sur leurs opinions personnelles, plutôt que les hadiths. Et ils se sont égarés à cause de ça, et ils égarent les autres. Donc, ça, c'est la parole de Omar. Ensuite, le troisième exemple, c'est un exemple dans lequel un des imams, الشيخ الذي روى الدارمي واللالكائي وغيرهما عن أبي قلابة رحمه الله قال ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. Donc l'imam الدارمي et l'imam اللالكائي et d'autres que ces deux-là ont mentionné cette parole de Abu Qilaba, un des salafs, qui l'a dit lorsqu'il n'y a pas aucun groupe, aucune personne qui ont aucun groupe de personnes qui ont amené une bid'a, excepté qu'ils ont rendu halal l'utilisation de l'épée, c'est-à-dire de prendre l'épée contre le gouvernement, contre les dictateurs. D'accord. Tout groupe qui a, il n'y a pas un groupe qui a amené une bid'a, excepté qu'ils ont permis l'utilisation de l'épée contre les dirigeants. Tout groupe, les groupes qui sont venus avec du bid'a, ils ont tous permis de prendre l'épée contre les dirigeants. C'est ce que ça veut dire. Et ça, tu peux dire que c'est une sorte de constance pour la plupart des groupes de bid'a qui sont apparus au cours de l'histoire de l'islam. Et le chef, il dit, وَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِ أَبُو أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِ. En fait, je pense pas que son nom c'est Abu Ayyub. C'est, d'après moi, c'est Ayyub al-Sakhtiyani. Wallahu a'lam. Je vais vérifier. Et le chef, il dit, Ahlul Ahwa, kulluhum khawarij. Wa qala inna al-khawarij akhtalafu fil ism, wa ajtama'u ala al-sayf. Non, ça c'est une autre citation. Et tout ça, c'est des avertissements des salafs contre les bid'a et contre les gens qui le font. Et ça, c'est une citation très intéressante ici, dans laquelle Ayyub al-Sakhtiyani il dit, les gens des passions sont tous des khawarij. On a parlé tout à l'heure des khawarij. En réalité, tous les gens de bid'a sont des khawarij. Waqala, et il a dit, les khawarij, ils ont tous des noms différents, mais ils se sont tous réunis sur la question de l'épée, c'est-à-dire du fait qu'il faut prendre les armes pour qu'on... pour attaquer le gouvernement ou se révolter contre le gouvernement. Donc, en réalité, qu'est-ce que le cheikh il essaie de dire ici, c'est que la plupart des groupes comme Al-Jahmiya, ou Al-Murji'a, ou Al-Khawarij, ou ce qui les autres encore, Qadariya, Mu'tazila, ils ont tous été d'accord sur le fait que tu dois prendre l'arme contre les dirigeants, il est injuste. Et ça, c'est une constante, donc c'est pour ça que le chef dit, ils sont tous khawarij. Même si c'est une caractéristique qui est plus spécifique chez les khawarij, mais ils se sont tous mis d'accord là-dessus, donc c'est comme si tu dis en réalité que tous ces groupes-là sont tous des khawarij. Khawarij? D'accord. Ben, parce que j'ai parlé tout à l'heure des khawarij quand j'ai expliqué le hadith que vers la fin du temps, il y a un groupe qui va sortir et tout ça. Mais si tu résumes ou si tu expliques la réalité, qu'est-ce que ça signifie les khawarij, en résumé, c'est toute personne qui appelle à la révolte aux dirigeants, avec la langue ou par les armes, et puis qui déclare tout musulman qui commet un péché, comme étant un apostat. Et qui rend les sites ses biens et son sang, hein, et qui dit que il y a des cinq cas. D'accord? Donc ça, en gros, là, c'est la définition de qu'est-ce que c'est un khariji ou un khawarij. Mais il y a beaucoup d'autres caractéristiques. Il y a eu différents groupes de khawarij qui ont, mais ils se sont tous mis d'accord sur cette base, sur ces bases-là, hein, qu'est-ce que j'ai mentionné. Ça, c'est, ça résume un peu la position de qu'est-ce que c'est les khawarij. D'accord? Bon, mais c'est pour ça que le chef, l'imam Sarkiani, il dit que c'est pas seulement les khawarij qui ont cette caractéristique-là, mais tous les khawarij, tous les gens de bid'ah ont cette caractéristique-là de vouloir prendre l'islam contre le gouvernement. Après, le chef dit, وعن سفيان الثوري رحمه الله قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها رواه اللالكائي. Et ça, c'est une citation intéressante encore, parce qu'elle nous fait comprendre le danger de la bid'a. Et que beaucoup de musulmans, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas encore compris ce point-là, qui fait qu'ils dénigrent un peu la question du bid'a. Ils n'en donnent pas, ils ne donnent pas une grande importance. C'est-à-dire, ils ne prennent pas en garde, ils ne mettent pas en garde les musulmans contre les bid'a, et eux-mêmes ne s'en protègent pas, et puis ils n'avertissent pas les autres à cause de ça. Et là, cette citation-là de l'imam Sufyan al-Thawri, c'est quoi? Ça dit que la bid'a est plus aimée pour Iblis que le péché. Parce que la péché, tu peux t'en repentir. Parce que tu sais ce que tu fais, c'est haram. Donc tu peux t'en repentir. Tandis que la bid'a, tu peux pas t'en repentir. Pourquoi? Parce que tu crois que cet acte-là que tu fais est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon d'un acte que tu fais et que tu crois que Allah l'aime? Hein? C'est pas logique. Hein? Donc, c'est pour ça que pour une personne qui rentre dans une bid'a, c'est très très difficile pour cette personne-là de l'accepter cette bid'a. Hein? Parce qu'elle croit que cette chose-là, c'est quelque chose qui la rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme l'exemple des sahaba, des khawarij, quand ils tuaient les sahaba. Ils croyaient que quand ils tuaient les sahaba, ils se rapprochaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient en train de tuer des kuffars. Donc ils étaient en train d'établir le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Donc on voit maintenant comment ces gens-là vont faire tawbah. Comment ces gens-là vont faire tawbah alors qu'ils sont en train d'égorger les sahaba. Hein? Donc ça c'est un exemple. Mais il y a beaucoup d'autres exemples, Yannick. Subhanallah. Quand tu vois les soufis là qui font leur zikr dans les mosquées, qui chantent et qui se balancent et qui commencent à réciter des affaires là un peu d'une façon bizarre, Yannick. Subhanallah. Ils croient que ça c'est une sunna. Ils croient qu'en faisant ça, ils se rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils ne font qu'assimiler la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment tu penses qu'ils vont s'en repentir, excepté si, Yannick, comme le cheikh il dit en bas des pages, il met une note, il dit, هذا الذي ذكره سفيان رحمه الله من عدم قبول توبة المبتدع إنما هو محمول على الغالب لأنه يفعل ما يفعل ويرى أنه دين يتقرب به إلى الله ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الشيخ الذكر في التغاد الإمام سفيان الثوري au sujet du fait que sa bid'a, la repentance de l'innovateur n'est pas acceptée ou ne sera pas acceptée, ça c'est uniquement pris sur le plan général. C'est-à-dire en général, un moubtadir, il ne va pas pouvoir se repentir, d'accord, parce qu'il croit que ce qu'il fait, c'est quelque chose qui le rapproche à Allah. Mais il y a une... Ça ne veut pas dire que certains d'entre les gens de bid'a ne peuvent pas être guidés, d'accord? Parce que parfois, certains d'entre eux, on leur a expliqué, on leur a fait voir clairement qu'est-ce que c'était une bid'a et tout, et puis par là, ils ont compris, Allah les a guidés, et puis ils ont quitté cette bid'a. Donc, c'est possible qu'un moutalia se repente. Sauf que, en général, c'est très difficile, d'accord? Et c'est pour ça, et le cheikh, il mentionne un hadith, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala à voiler la repentance Il a voilé de chaque innovateur la repentance, jusqu'à ce qu'il abandonne sa bid'ah. Donc, une fois qu'il a abandonné sa bid'ah, peut-être que là, le voile qui le sépare de la repentance peut être enlevé. Wallahu a'lam. Donc, là, on voit un autre point. Et dans cet exemple-là, il y a beaucoup d'exemples, même chez les salafs, parmi les ulama, on voit qu'ils ont très clairement averti les musulmans contre ça. Par exemple, dans Sharh sur le Sunnah de l'imam al-Barbahari, si tu lis, tu vas voir, subhanallah, le cheikh il cite les paroles d'un des salafs qui dit qu'il a vu, par exemple, son fils sortir d'un endroit où les gens faisaient des bid'ahs. D'accord? Alors, quand il l'a vu sortir de là-bas, il a averti son fils, il a dit, il y a Bouleï, oh mon fils, que je te vois sortir d'un endroit où les gens boivent de l'alcool, ils font le zina, ils font tous les péchés, c'est préférable pour moi que de te voir sortir de la maison de ces gens-là qui font la bid'ah. D'accord? Pourquoi? Parce que ces gens-là, avec qui ils font la bid'ah, ils font quelque chose de haram et ils pensent que ça les rapproche à Allah. Tandis que les autres, ils font un péché, ils font quelque chose de clairement haram et ils le savent. Et ils savent qu'ils peuvent se repentir également. Et ils savent que cette chose-là est mauvaise et qu'ils se sentent mal quand ils le font. Ils ont le remords, ils ont le remords quand ils ont terminé de le faire. Alors ça, ces gens-là, dans leur situation, ils sont mieux par rapport à ceux-là, par rapport aux gens de Bida. Donc très mieux, même si ils ont une apparence qui est un peu, c'est des gens qui sont égarés également. Sur le sunnah de Sharh, sur le sunnah de Al-Barbahari. Et il y a également une anecdote qui est arrivée au temps de l'imam Ibn Taymiyyah, quand il a fait un débat avec les soufis à son époque. Les soufis se sont plaints d'Ibn Taymiyyah aux dirigeants. Parce qu'ils ont dit, ah, ils nous critiquent, ils nous disent des choses contre nous et tout ça. Donc, ils se sont plaints aux dirigeants. Le dirigeant a fait venir Ibn Taymiyyah, il a fait venir les soufis, et là, il commence à faire un débat entre les deux. Et là, les soufis ont dit, nous, on est une cause dans la repentance des gens. On fait qu'ils quittent le péché qu'ils font et ils commencent à devenir des gens qui adorent Allah, qui font le zikr et qui font les choses comme nous. Voilà. Donc, Ibn Taymiyyah leur a demandé de quelle chose ils se repentent, de quelle chose vous les faites se repentir. Alors, les soufis ont dit, ben, on les fait repentir de, par exemple, faire des hold-up, ou bien voler des caravanes dans la route, ils coupent les chemins, on dit, c'est un turq en arabe. Les gens qui vont, par exemple, hors la loi, ils vont sur les routes, quand ils trouvent une caravane, ils les arrêtent, et puis ils volent tout le monde, comme dans cette caravane. Comme des pirates, Ouais, exactement. Donc ça, c'est des gens qu'on appelle qutta turq, Alors, donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il leur a répondu, subhanallah, il a dit, leur état avant qu'ils soient avec vous était mieux que leur état maintenant actuellement avec vous maintenant. Parce que vous les avez fait passer d'un état où ils étaient dans le péché et ils savaient que ce qu'ils faisaient était haram et ils savaient que ils étaient en train de commettre une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils devaient se repentir. Mais actuellement, là, avec vous, c'est rendu qu'ils aiment ce qu'Allah déteste et qu'ils détestent ce qu'Allah aime et qu'ils commettent le shirk et qu'ils commettent le bid'ah et les innovations. Donc leur état avant, préalablement, était meilleur que l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple comment Ibn Taymiyyah a répondu à ces gens-là. Et pour montrer la différence entre le pécheur et le mubtadi', wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ibn Taymiyyah a cité deux exemples. Il a donné le premier exemple, l'exemple de l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a décrit comme ayant une grande barre, une grosse barre, bien fournie. et une marque de consternation très profonde et un front très proéminent. Hein? Et donc, il avait des signes d'apparence très religieuse, hein, cette personne-là. Hein? Puis après, il a dit, cet homme-là est venu et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois juste, ya Muhammad, parce que tu n'as pas été juste. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si moi je ne suis pas juste, qui d'autre sera juste? Hein? Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de cet homme sortira des gens, hein? Vous allez mépriser leur prière à vos prières. C'est-à-dire, quand vous allez voir leur prière, vous allez mépriser vos prières par rapport à leur prière. Donc, il parle en disant ça aux Sahaba, en disant, eux, là, quand vous allez voir comment eux ils prient, vous allez dire, nous on a rien fait. Et quand vous allez voir comment eux ils jeûnent, vous allez dire, nous on n'a pas jeûné. Hein? Quand vous allez voir comment ils lisent le Coran, vous allez dire, nous on ne lit pas assez le Coran. Hein? C'est pour dire que c'est des gens extrémistes dans la pratique de l'islam. Hein? Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont quitter l'islam plus vite qu'une flèche quitte son arc. Hein? Et il dit que ils lisent le Coran, mais ça dépasse même pas leur gorge. Hein? Et ils n'ont pas de compréhension. Ils lisent sans comprendre. Hein? Donc, c'est des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ces gens-là, c'est-à-dire les Khawarij. Donc il a dit, regardez, comment un homme qui a une apparence très très religieuse, hein, paraît être un homme très pieux, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui dans les pires termes. Et comment il a démontré que c'était un homme qui amenait à un égarement. Ok. Naam. Et puis par la suite, il a donné un deuxième exemple. Il a dit, il a un autre exemple, par exemple, un homme, ça c'était l'exemple du Moubtadi'a, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi vis-à-vis de lui. Maintenant, il a donné l'exemple du pécheur, celui qui fait le péché. Et il a donné l'exemple de Hamir. Hein? Hamir, c'est qui? Hamir, subhanallah, pardon, pas Hamir, c'est Himar, je pense. Oui, il s'appelait Himar. C'est un des Sahaba qui buvait de l'alcool. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Et il faisait rire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Himar. Les gens là, c'est pas son vrai nom, mais c'est son surnom. D'accord? Himar, c'est un âne. En arabe. Les gens l'appelaient Himar. Cet homme-là, il buvait tout le temps, il était toujours sous. Et à chaque fois, il revenait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le sahaba l'attrapait, et il l'amenait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour appliquer sur lui la punition dans le cas de la personne qui a bu. D'accord? Ça veut dire des coups de fouet, je pense que je ne me trompe pas, c'est 40 coups de fouet, ou 40 coups de fouet. Non. Donc, les Sahaba, il y en a parmi les Sahaba, quand ils voyaient ça, ils se fâchaient. Ils disaient, subhanallah, comment il revient à chaque fois? Et là, un jour, un des Sahaba l'a maudit. C'est-à-dire, la'anahullah. En voulant dire que Allah le maudit, et la'ana, en arabe, ça veut dire l'éloignement d'Allah, hein, l'éloignement de la miséricorde d'Allah. Hein. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne l'insulte pas, ne dis pas la'ana, parce qu'il aime Allah et son messager. Hein. Donc, dans ce cas-là, on voit l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement vis-à-vis de la personne qui a fait la bid'a, qui allait être la source des gens de bid'a, et l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis du musulman qui a fait un péché. Et on voit que c'est deux positions totalement différentes, d'accord? Donc ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour leur faire comprendre que la bid'a est pire que le péché. C'est pas au même degré et au même niveau qu'un simple péché. Parce que le péché, peut en repentir, comme l'imam Sufyan al-Thawri a dit dans la cinquième exemple. Hein? La bid'a, tu peux t'en repentir. Tandis que, le péché, tu peux t'en repentir. Tandis que la bid'a, tu ne peux pas t'en repentir. Hein? Si je me trompe comme ça, là, c'est de me corriger. Hein? Moi, des fois, je dis des choses et puis ça m'échappe, je me mélange dans mes choses et puis, il faut me corriger, Inch'Allah. Après, qu'est-ce qu'il a cité comme exemple, le chef? Il donne un autre exemple, c'est وَرَوَا أَيْضًا عَنْ قَتَادَ أَنَّهُ قَالَ يَا أَحْوَلْ إِنَّ الرَّجُلُ إِذَا ابْتَدَعَ بِدْعَةً يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُذْكَرْ حَتَّى تُحَذَّرْ. Le chef, il dit, il mentionne la parole de Qatada. Il a dit, ô Ahwal, Ahwal c'était un de ses élèves. Il dit, lorsqu'un homme fait une bid'a, il est important de la mentionner dans le but que les gens soient avertis contre cette bid'a. D'accord? Septième citation, Al-Hassan al-Basri, أنه قال أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى يعني الشيخ يجي نبدا يعني من جهة تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن لا أنهم كفار لذلك الشيخ يجي كلمة الحسن أدي les gens d'Ahwa, les gens de Bid'a, ils sont au même statut que les juifs et les chrétiens. Et il dit par le chef, il commente ça, et il dit, pas dans le sens que ce sont des kuffars, mais uniquement dans le sens que, yani, ils suivent quelque chose qui est contradictoire avec la sunna, hein, et qu'ils s'éloignent de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont, au même statut dans le sens, dans un certain sens, par rapport aux gens du livre qui ont quitté l'exemple de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des coupards comme le chef dit, mais qu'ils sont à un niveau d'égarement yani, qui est semblable à celui des juifs et des chrétiens. Et le chef dit ensuite en huitième citation, « قال عمر ابن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. » عمر ابن عبد العزيز, un des grands khulafas de la Umma, des salafs, parmi les salafs, il disait, lorsque tu vois des gens qui se réunissent et qui parlent de la religion en secret, entre eux, et qui disent des choses sur la religion qui sont différentes de ce que les musulmans en général connaissent, alors sachez qu'ils sont à la base qu'ils sont en train d'établir un égarement. Quelque chose qui est en train de mettre une base d'égarement, d'établir une forme d'égarement. فَعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلَى تَأْسِيهِ ضَلَالَ. Neuvièmement, neuvième citation, le chef est dit, قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ مِنَ الْإِسْلَامِ أَشَدُّ فَرْحًا بِأَنَّ قَلْبِي لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ. Abdullah ibn Omar il dit, je ne me suis pas réjoui d'aucune chose dans l'islam d'une joie plus grande que le fait que rien de ces innovations-là n'est entré dans mon cœur. Hein? Je ne me suis rien réjoui dans l'islam d'une joie plus grande que du fait qu'aucune de ces innovations n'est entrée dans mon cœur. Parce que tu sais que une fois que tu es dans l'islam, alhamdulillah, c'est une grande ni'ma que Allah t'a guidé à l'islam, que Allah t'a fait afin que tu sois musulman. Par contre, une fois que tu es musulman, mais si tu n'es pas sur la sunna, là, c'est pas encore clair. Parce que, comme certains ont dit, hein, des gens sont entrés dans l'islam par la porte et ils sont sortis par la fenêtre. Hein? C'est ce qui arrive, subhanallah. Ils rentrent dans l'islam, puis ils sortent par une bid'a. Mais ça, c'est dangereux, subhanallah. Cheikh, il dit encore, comme dixième citation, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, قال, il a dit aux qawmin, يتركون من السنة, مثل هذا, يعني, مصفر الأصبع, فإن تركتموهم, جاءوا بالطامة الكبرى. Cheikh il dit que Abdullah ibn Mas'ud a dit, des gens vont venir avec et des gens vont venir et ils vont laisser cette, une petite quantité de la sunna, comme la, un petit bout de doigt là, de la sunna, juste une petite quantité de la sunna. Et puis par la suite tu le vois, si vous les laissez, ils vont revenir avec un grand, une grande bid'a, un grand, comment ça veut dire, pas matin soubara, c'est-à-dire, ils vont venir avec quelque chose de tellement, désastreux, on ne pourrait pas imaginer. Alors, à l'origine, on voyait ça, c'est juste une petite chose. Puis à la fin, c'est devenu une base de garment, hein. C'est comme ça que l'imam al-Barbahari, il a dit aussi dans son livre, que les bid'a, elles commencent toujours par des petites bid'a. Puis elles commencent à évoluer, puis elles grandissent, jusqu'à ce qu'elles deviennent des grandes bid'a. Non, mais à la fin c'est ça, c'est Moukbel qui disait ça, c'est Cheikh Moukbel qui disait ça. Il disait, tu prends un petit Zaydi, hein, le Zaydi c'est la secte des Shia qui sont les plus proches parmi les sectes de Shia, parmi les sectes de Shia. Donc, il dit, tu prends celui-là, un petit Zaydi, et puis après, après un peu de temps, tu vois qu'il devient un grand Rafidi, c'est-à-dire un des, c'est-à-dire un grand, parmi les gens de sectes Rafaba, ou bien, ouais, ou bien d'autres groupes parmi les groupes chiens, il y a tellement de sectes parmi les chiens. Mais il y a des Iraniens par contre qui sont soumis. Il y en a. Et puis il y a des, c'est ça, il y a des Iraniens qui sont soumis en Iran, mais je pense, je sais pas si c'est une minorité. Je pense qu'ils sont juste, ah oui, c'est, je pense qu'ils sont juste 20% de la population. Pardon? Ouais, exactement. Les chiites leur donnent des difficultés. Et même que j'ai entendu, j'ai lu que, auparavant, il n'y avait pas toute cette population de chiites en Iran. C'était tous des sunnites. Mais, c'est, ça, je sais, j'ai oublié que, toute l'histoire, mais il y a eu des, il y en a eu qui ont, oui, c'est ça. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait tous les ulama sunnites là-bas. Puis ils ont sorti tout le monde à... Il y en a, probablement. Oui, c'est ça. Mm. Mais oui, parce que pensez à ce qui s'est passé, pensez à l'exemple que tous les ulama de hadith, les grands ulama du hadithien, ils viennent de ces régions-là, hein. Al-Bukhari, Muslim, ils viennent de l'Iran. Al-Bukhari vient de Bukhara. Ah oui, hein? Et puis là, Masha'Allah, je ne sais pas. Ouais, oui. Il est incroyable, ce petit-là. Non. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Allah le Sahel. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on est, là? Non. On est arrivé là maintenant à la partie où le cheikh, il nous met en garde maintenant contre les gens de bid'ah, et nous dit de ne pas s'asseoir avec eux. Il dit, وَلَمْ يَكْتَفِ أَئِمَّةُ السَّلَفِ بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ بَلْ حَذَّرُوا النَّاسِ مِنْ مُجَالَسَتِهِمْ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَى كَلَامِهِمْ. Il dit, le cheikh, il dit que les imams des salaf, ils ne s'en sont pas tenus uniquement qu'à nous avertir des jeunes bid'ah et de leur égarement. Ils nous ont même avertis contre le fait de s'asseoir avec eux et d'écouter leurs paroles. Hein? وَقَدْ رَوَى الدَّالِمِ وَابْنُ بَطَّى عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُجَالِسُوا أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُمْ. الْحَسَنِ il disait, ça a été rapporté par الدَّالِمِ وَابْنُ بَطَّى, il dit que الْحَسَنِ disait, رَحِمَهُ اللَّهِ, ne vous assoyez pas avec les gens de Ahwa, les gens qui suivent les passions, c'est-à-dire les bid'a, et ne disputez pas avec eux, et n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Il disait aussi, وَقَدْ رَوَى الْأَجُرِّ وَاللَّلَكَاءِ عَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخَاصِمَكَ فَقَالَ الْحَسَنِ إليك عني فإني عرفت ديني فإنما يخاصمك الشاك في دينه. Donc l'imam Al-Ajurri et l'imam Al-Lakai, c'est deux parmi les imams. Al-Ajurri, il a écrit son livre Al-Sharia, c'est un livre qui explique la position des salafs et la croyance des salafs. Et l'imam Al-Lakai, qui a écrit son livre Sharh Usul al-I'tiqad al-Sunnah wal-Jama'a, c'est un livre également qui rassemble toutes les croyances des salafs au sujet de l'Aqida. Et là, il dit que Al-Hasan al-Basri, un homme est venu le voir et lui a dit « Ya Aba Sa'id, oh Abu Sa'id, je veux discuter avec toi un peu dans la religion, argumenter un peu au sujet de quelque chose dans la religion. » Alors Al-Hasan a dit « Il est qu'à nous, éloigne-toi de moi, parce que moi, je connais ma religion, j'ai connu ma religion, et la personne qui veut discuter avec toi, c'est uniquement celui qui doute dans sa religion. » D'accord. وعن إسماعيل بن خارجة قال دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا قال تقومان عني وإلا قمت فقام الرجلان فخرج فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية فقال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي سبحان الله الشيخ الدي كإسماعيل بن خارج جاء الدي كدوزان صهاتين دوزان طعمين جان بدعة صهاتين واحد محمد بن سيرين عندي الثلاث عندي علماء الثلاث طعمين تابعين. Et ils ont dit, Ya Abu Sa'id, on veut te mentionner un hadith. Il a dit non. Il a dit, on veut te lire un verset, parmi les versets du Coran, parmi le livre d'Allah. Il a dit non. Alors il a dit, soit que vous vous levez, vous deux, que vous vous en allez, ou bien que moi je m'en vais. Un des deux. Soit que vous vous partez, moi je m'en vais. Après, soit que vous allez ou moi je m'en vais, alors les deux hommes sont partis. Alors, parmi les gens qui étaient présents avec Mohammed ibn Sirin, il y en a un qui a dit à Mohammed ibn Sirin, tu ne pouvais pas les laisser même mentionner un verset dans le Coran, où est le mal de les écouter et de laisser ces gens-là mentionner un verset dans le Coran. Il a dit, je détesterais que ces gens-là me lisent un verset dans le Coran, puis qu'ils le détournent, c'est-à-dire qu'ils déforment son sens, et puis que ça reste pris dans mon cœur. Hein? Subhanallah. Parce que tu sais jamais, ces gens-là, ils te disent quelque chose, après ils te disent, ils te déforment le sens, et là ça reste dans ta tête, et là après tu ne sais plus comment le réfuter, alors là tu es mal pris, hein? Subhanallah. نعم نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم نعم نعم نعم نعم فات يلتليز لبحثة hors de son contexte ليس كمثله شيء وهو السميع البصير il n'y a rien qui lui ressemble ou qu'il y a il n'y a rien qui lui soit semblable et c'est lui le voyant et l'audient. L'audien et le basir, le voyant. Et dans ce verset-là, eux, ils l'utilisent pour nier les attributs d'Allah. Alors, en réalité, c'est une preuve contre eux. Puisque dans ce verset-là, Allah affirme qu'il est voyant, qu'il est audien à la fin de ce verset. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah affirme qu'il a l'attribut de la vision et qu'il a l'attribut de l'ouïe. Et eux, ils disent, nous, on doit nier que Allah est au-delà de sa création. Pourquoi? Parce que ça, c'est semble de faire une ressemblance avec la créature. Ouais. Mais là, tu regardes, tu dis, bon, mais comment vous acceptez que Allah est voyant? L'être humain aussi est voyant. Donc pourquoi vous ne dites pas qu'il y a une ressemblance entre la création puis le créateur et la créature dans l'attribut de la vision? Ils disent non, c'est pas pareil. Parce que la vision d'Allah, c'est pas comme la vision de l'être humain. D'accord. Alors pourquoi vous dites pas la même chose quand on parle des autres attributs? Hein? Pourquoi vous dites ça juste quand on parle de la vision? Alors là, on voit tout de suite comment ces gens-là, ils ont aucun argument. Et que leur compréhension du Coran est complètement contradictoire. Au Coran lui-même, et à la Sunna, et aux paroles des Salaf, et à la langue arabe. Comme on a expliqué ça dans plusieurs occasions. Alhamdulillah. Donc, ça, c'est comment les Salaf agissaient vis-à-vis de ces gens de Bid'ah. Ils n'entraient pas avec eux dans des débats, argumentations, hein. Sauf, dans certains cas, peut-être, ils vont expliquer certaines choses et ils vont s'en aller. Hein. Ils vont clarifier le fond s'ils partent. Ils vont pas rester argumenter longtemps et tout perdre du temps, des heures avec ces gens-là pour essayer de leur prouver quoi que ce soit, parce que c'est des gens qui ont une passion dans leur cœur, qui sont aveuglés par cette passion. Peu importe ce que tu leur amènes comme preuve, ils vont pas l'accepter. Et eux, ils vont tout faire pour essayer de te faire rentrer dans des points, des argumentations, en dehors du Coran et de la Sunna, pour te faire rentrer dans leur débat. Donc c'est ça le danger quand tu rentres avec eux dans ces argumentations-là. Non. Là, il faut voir. Il faut voir. Non. Ouais, c'est ça. Il faut expliquer. Il faut voir maintenant. Quand un musulman qui fait une bid'a, rien, c'est pas juste pour voir un musulman qui fait une bid'a, c'est fini. Tu vois? Il faut que premièrement tu vois, bon, la personne, peut-être qu'elle fait une bid'a, elle ne sait même pas. Donc tu vas la voir, tu vas lui expliquer, mon frère, qu'est-ce que tu fais, c'est une bid'a, hein. Et, peut-être même tu peux lui montrer même les preuves, et lui expliquer, hein, lui donner les paroles des ulama, et tout ça. Et là, quand tu lui montres ça, la personne, tu vois tout de suite sa position. Tu vas voir. Si la personne aime la sunna et que c'est une personne ignorante, elle va dire, ah, d'accord, je savais pas, je m'excuse mon frère, barakallahu fik, tu m'as expliqué quelque chose, ça c'est bien, moi je savais pas, donc là, il le fait plus. Alhamdulillah. Mais une autre personne, quand tu lui apprends quelque chose qui est bid'a, tu lui dis, mon frère, ça c'est bid'a, il faut pas faire ça, hein. Tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pas fait, ni le sahaba, ni les tabi'in. Hein? Et le professeur s'en a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre religion et ne sera pas accepté. Et il a dit, kullu bid'atin dalala, kullu dalalatin fi an-nar. Kullu bid'a est un égarement et tous les égarements mènent au feu. Et là, tu lui dis ça, et là, tu lui montres les preuves et tu lui expliques et tout. Et là, il devient arrogant et fier, il commence à argumenter, il commence à discuter avec toi, il commence à se fâcher. Alors là, tu vois tout de suite que cette personne-là, elle a une hawa dans son cœur. Hein? C'est pas juste une erreur ou une ignorance qu'elle a, mais c'est une hawa, c'est-à-dire une passion qu'elle suit. Elle acceptera personne, il n'acceptera que personne ne vienne discuter là-dessus à son sujet. Hein? Même s'il n'a pas de preuves. Alors là, tu vois tout de suite l'attitude du muqtada, c'est ça. Et dans ce cas-là, bon là, c'est tout dépendamment également du degré de cette bid'a, du niveau de cette bid'a aussi, hein, et de voir est-ce que cette personne-là c'est une personne qui pratique la bid'a mais qui appelle les gens à la suivre en même temps, ou bien c'est juste une personne qui fait la bid'a mais il n'appelle pas les gens à la faire. Ça c'est un autre niveau de personne qui suit des bid'a. Il faut regarder ça aussi. Mais tout ça on va l'expliquer après, soit le cours prochain ou autre. Un des cours qui va finir, Inch'Allah. Donc, on continue. Le Cheikh dit, par la suite, « وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدِ فِي السُّنَّةِ عَنْ أَبِي قِلَابَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالْ لَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُخَالِطُوهُمْ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ ويلبسوا عليكم كثير مما تعرفون. الشيخ المنسيان لفهول دو الإمام أبي قلابة رابورتي بار عبد الله بن أحمد بن حنبل dans son livre السنة. C'est-à-dire le fils de l'imam Ahmad, il a un livre qui s'appelle السنة. Oui, c'est celui-là. Masha'Allah. Donc dans ce livre, qu'est-ce qu'il dit Abi Qilaba dans cette citation, il dit « Ne vous assoyez pas avec eux, c'est-à-dire les hommes de Bidat, et ne vous mélangez pas avec eux, c'est-à-dire ne les fréquentez pas, car vous n'êtes pas en sécurité, yani, je ne crois pas que vous êtes en sécurité qu'ils vous fassent tomber dans quelque chose de leur égarement. Hein. » Je ne vous crois pas en sécurité quand vous êtes avec eux, qu'ils vous plongent dans quelque chose de leur égarement et qu'ils vous fassent, qu'ils vous trompent, hein, qu'ils vous trompent au sujet de ce que vous connaissez de la religion. Ils vous couvrent le mensonge par la vérité, avec quelque chose de vrai. Ils vous cachent un mensonge, ils vous font passer un mensonge, hein. Ils vous mélangent le vrai avec le faux, et ils vous mélangent tout ça, puis ils vous présentent comme si c'était vrai. Subhanallah! Des fois, tu vas écouter les arguments des gens de Bid'ah, et tu les vois comment ils présentent leurs affaires, et puis à la fin, tu dis, subhanallah! C'est comme si, waouh, on dirait que ce qu'ils disent est vrai. Et ils te donnent des arguments, ils te prouvent tout ça, subhanallah! À la fin, tu dis, wow, subhanallah. C'est comme si on dirait que tu as eu l'impression que ces gens-là, ils ont vraiment quelque chose de solide. On dirait qu'ils se tiennent vraiment sur quelque chose. Hein? C'est comme les gens, par exemple, là je suis en train de lire un livre d'Abdul Malik Ramadan, qui récite les gens de takfir, là, le djihad, ceux qui, en Algérie, faisaient les crimes et les meurtres, là, qui tuaient les femmes, les innocents. Abdul Malik Ramadan, il a écrit un livre pour expliquer ces gens-là. Eh bien, quand tu lis les paroles d'un de ces gars-là, comme Abu Qatada, quand il parlait de ces gens-là, tu vois les choses qu'il prononce, les choses qu'il dit, les fatwas qu'il donne et tout, comment il déclare les ulama kuffar, il déclare les dirigeants kuffar, comment il parle contre ces choses-là, dans ces choses-là, subhanallah, tu dis, subhanallah, on dirait qu'il se tient sur quelque chose. Et quand tu lis la réputation d'Abdul Malik Ramadan, quand il amène les explications, puis les preuves et les explications claires, là tu dis, mashallah, tu vois. Là tu vois que quelqu'un qui n'est pas bien ferme dans sa religion, puis bien ancré dans la connaissance, il peut se laisser facilement détourner par les arguments de ces gens-là, yani. Parce que, oui, et parce que ça prend une connaissance plus détaillée du Coran et de la Sunna pour être capable de réfuter ce genre d'arguments-là. D'accord? Alors c'est pour ça que les salafs, ils nous mettent en garde, ils nous mettent en garde contre ces gens-là, et ils nous disent, tenez-vous en à qu'est-ce que vous savez des salafs, du Coran et de la Sunna. Et qu'est-ce que les gens vous amènent de l'extérieur, que vous n'avez jamais entendu, que vous ne connaissez pas, qui est contraire à qu'est-ce que vous connaissez du Coran et de la Sunna, et qu'est-ce que les ulamas ont enseigné, rajoutez-le, même si ça peut vous paraître beau, ou même si vous pensez que c'est quelque chose de bien. D'accord? Parce que le repère et la référence, c'est, hein, un petit peu de sunna et la compréhension des salafs. Et puis, les gens de Bid'ah, pensez pas quand ils vous arrivent là, ils vous disent, moi je suis un moubtadi'a. Salut, je m'appelle moubtadi'a, telle chose. Non! ils vont vous venir avec le nom de Coran et sunna. Ils vont même, non! Ils peuvent même vous dire salafi, ils peuvent même vous dire qala ibn Taymiyyah, qala ibn al-Qayyim, qala kaza wa kaza. Donc vous dites, mashallah, ça c'est salafi. Et puis pourtant, le gars, c'est un des pires innovateurs. Le cheikh, il dit par la suite, il dit, فهذه في بعض الاحاديث النبويه الشريفه واقوال السلف الامه اهل الديانه والتقى واهل الزهد والورع إضافة إلى ما تقدم من الأمر بالاتباع والنهي عن الاتباع جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها وأن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان بل يتجرح على ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل نعم فبين donc on va expliquer ça qu'est-ce que ça veut dire. Le chef il dit les hadiths qu'on a mentionnés et les paroles des salafs qu'on a mentionnés qui sont les hommes de qui sont les gens de la piété de la religion et de la vertu et du zuhud et du war hein, parmi les musulmans hein, et donc parmi les paroles de ces gens-là qu'on a mentionnées, ça c'est seulement quelques exemples. Et on ajoute à ça, qu'est-ce qu'on a déjà expliqué auparavant au sujet de l'ordre de suivre la sunna et l'interdiction d'amener des innovations. Et ça, le cheikh dit, tout ça, ça vient prouver clairement la permission de critiquer, hein, et de parler en mal des gens de Bédar, et de montrer aux gens, et de clarifier pour les gens leur état, et leur situation, et leur réalité. Même que, on peut compter ces choses-là parmi les obligations. Mais on peut compter ça parmi les obligations de la religion. Car la religion ne peut pas être établie sans ça. On ne peut pas établir la religion sans averser les musulmans contre la Bédar et contre les Moubtadira. Parce que ces gens-là viennent et ils mentent sur l'islam, ils changent l'islam, ils déforment l'islam. Donc si tu les dénonces pas, et si tu ne montres pas leur égarement et leur mensonge, comment les musulmans vont être capables de continuer à pratiquer l'islam? Impossible. Hein? Les gens vont tout être mélangés entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc le chef il dit que ça fait partie du djihad, sabilillah, et que c'est équivalent au djihad en noblesse dans l'intention, que le djihad contre les ennemis avec l'épée. Et Ibn Taymiyyah, il dit, dans une citation, il dit que comme les imams des gens de Bid'ah, parmi les chefs des gens de Bid'ah, qui ont fait des Bid'ah, qui ont amené des paroles qui sont contradictoires avec le Coran et la Sunna, ou qui ont amené des actes d'adoration qui sont contraires au Coran et la Sunna, il dit que de montrer leur réalité, de clarifier ça et d'avertir la Ummah contre eux est obligatoire selon l'accord de tous les musulmans, tous les ulama parmi les ulama de l'islam. Wajibun bittifaq al-muslimin. Hein? Et le cheikh dit, même qu'on a demandé à l'imam Ahmad, Ya Ahmad, ils ont dit à l'imam Ahmad, oh Ahmad, l'homme il prie, hein? Yassoum, non, il jeûne et il prie. Et il fait l'iskar. Hein? Ou bien, est-ce que ça fait mieux ou bien qu'il parle contre les gens de Bid'ah? L'imam Ahmad a dit, s'il prie, et s'il jeûne, et s'il fait l'i'tikaf, ça il le fait juste pour lui-même. Donc c'est un bien, mais c'est un bien qui lui revient uniquement à lui-même. Tandis que s'il parle contre les gens de Bid'ah, ça c'est quelque chose qui, son bien, revient à tout la Ummah et à tous les musulmans. D'accord? Parce que là, les gens vont tous savoir que cette personne-là est désignée. Donc, c'est meilleur que de prier. Et ça, c'est-à-dire les choses qui sont supplémentaires. Pas les choses obligatoires comme Ramadan ou, par exemple, Salat, les 5 prières par jour obligatoires. Ça, c'est obligatoire. Mais là, il parle d'une prière. Est-ce que c'est mieux qu'un musulman fasse des prières supplémentaires et des jeûnes supplémentaires, ou bien qu'il prend son temps pour combattre les jeunes bid'ah et parler contre eux et montrer leur égarement et tout ça? L'imam Ahmad a dit ça c'est mieux. Parce que le bien qu'il fait en jeûnant et en faisant les efficaces et en priant, ça c'est juste pour lui-même. Tandis que quand il montre l'égarement des jeunes bid'ah et quand il parle contre eux, ça c'est pour tous les musulmans le bien. Ouais. Mais il faut voir aussi des fois, parce que même je pense que parmi des ulama de Ahl Sunnah, il y en a qui ont une autre position. C'est pour ça que c'est bon de voir parfois quand, ouais, exactement, pour voir avant d'établir une position ou un jugement, de voir qui parmi les ulama ont divergé là-dessus. Puis par la suite, là, tu peux voir leur avis, là, c'est quoi leur preuve, chacun d'entre eux. Puis là, tu regardes maintenant l'authenticité de ces preuves, et là, tu peux faire le tarjih, là, tu peux faire ramener laquelle des positions est la plus proche de la vérité. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut voir. Parce que des fois, bon, c'est pas tout le temps que, par exemple, il y a une position, puis là, celui qui a pas pris cette position-là, bon, il n'est pas sur la sunna, c'est pas nécessairement de cette façon-là qu'il faut voir. Exactement, ou d'autres possibilités encore. Et puis, on reparlera de ça, Inch'Allah, plus en détail. Oui, donc, c'est ça que l'imam Ahmed a dit à propos de réfuter les gens du Bid'a. On voit comment il a mis ça à un degré très, très élevé dans la religion. Puis la suite de la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, c'est, il dit, فبين أن نحو هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه، تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على كفاية المسلمين على الكفاية اتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد السلاح العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا أما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء سبحان الله. Donc ça, c'est une parole de l'imam Ibn Taymiyyah, c'est très puissant. Il dit, l'imam Ahmad a clarifié que le bienfait est général pour les musulmans, du fait de parler contre les gens de Bid'a. C'est général, le bien est général dans leur religion, et donc ça fait partie du djihad dans ces sabirillahs. Parce que, il dit, parce que purifier le chemin d'Allah et purifier sa religion et sa voie, hein, tout ça est de repousser les transgressions de ces gens de Bid'a et leur égarement et leur transgression. Ça, c'est obligatoire, yani, aux musulmans. C'est obligatoire aux musulmans selon l'accord des musulmans, selon l'accord des ulama. Et il dit « alal kifaya », hein, « alal kifaya », c'est-à-dire c'est « fard kifaya ». Si une proportion ou une portion de la umma l'a fait, c'est plus obligatoire pour le reste. C'est juste recommandé pour le reste. Tandis que si tous les musulmans l'abandonnent, alors ils sont tous dans le péché. Ça c'est ce qu'on appelle « fard kifaya ». On en a parlé à plusieurs reprises, sans souvenir. C'est-à-dire, regarde, il y a des fards qui sont fards d'Aïn, donc faire la 5 prières par jour. Ça, c'est obligatoire à chaque musulman. Tandis qu'il y a d'autres fards, ouais, janaza, par exemple, ça, c'est pas fard d'Aïn. Si un groupe de la Ummah suffisant à prier sur un musulman, c'est plus obligatoire pour le reste de prier sur lui. Ça, c'est un exemple. Et la même chose pour l'amr bil ma'ruf, al-nahy 'anil munkar, et pour le jihad, etc. Donc, dans cet exemple-là aussi, c'est la même chose, hein, de réciter les gens du Bid'a, c'est fard kifaya. C'est c'est pas obligatoire à chaque musulman d'apprendre les Bid'a et d'apprendre comment réciter les gens du Bid'a. C'est obligatoire, mais juste à une partie de la Ummah. S'il y a un nombre suffisant de musulmans, des imams et des ulama qui l'ont fait, alors c'est plus obligatoire pour les autres, d'accord? Donc, c'est ce que le cheikh Ibn Taymiyyah, il explique ici. Il dit « l'ittifaq al-muslimin ». Donc les savants sont d'accord là-dessus. Et si ce n'était pas de ces gens-là, que Allah amène pour défendre sa religion et pour repousser les nuisances de ces gens-là, et ben la religion aurait été complètement corrompue. Hein. Et le fait que la religion soit corrompue, c'est beaucoup plus grave que le fait qu'un ennemi extérieur entre, vienne attaquer et prenne le pouvoir dans un pays musulman. Parce que le cheikh il dit, parce que l'ennemi dans la guerre, s'il prend le pouvoir sur les musulmans, eh bien ils ne vont pas corrompre les cœurs. Et qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs de religion? Ils vont uniquement prendre le pouvoir puis essayer de corrompre la terre qui prend les biens. Hein? Ils vont se limiter à ça. Tandis que eux, les gens de Bédra, s'ils prennent le pouvoir, eh bien s'ils réussissent à corrompre la religion, ils corrompent les cœurs en premier. Ils commencent par les cœurs pour égarer les gens. C'est ça le danger. Donc, pour terminer, il cite une autre citation, il dit « وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُوْدِعٍ آخَرٍ إِذَا كَانَ مُبْتَدِعًا يَدْعُوا إِلَى عَقَائِدٍ تُخَالِفُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ وَيُخَالِفُ وَيَخَافُ أَنْ يُضِلَّ الرَّجُلُ النَّاسَ أَنْ يُضِلَّ الرَّجُلُ النَّاسَ بِذَلِكَ بَيَّنَ أَمْرَهُ لِلنَّاسِ لِيَتَّقُوا ضَلَالَهُ ويعملوا أو ويعلموا حاله وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفائه منه فهذا من عمل الشيطان. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il a expliqué ici un point important. Il dit si la personne est un innovateur, c'est-à-dire et qu'il appelle à des croyances contraires au Coran et à la Sunna, et qu'il craint que tu crains que cette personne-là elle va égarer les gens, clarifie pour les gens la réalité de cette personne-là et montre aux gens son égarement pour qu'ils sachent sa situation, sa réalité, et comme ça les gens vont être avertis. Et le chef il dit que tout ça c'est obligatoire et il faut que ce soit fait dans le but de donner le bon conseil et pour chercher l'agrément du visage, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et son visage. Et non pas pour une passion qui est maîtrisée en lui, hein, comme par exemple, t'as un problème avec quelqu'un dans la dunya, hein, peut-être pour de l'argent ou pour d'autres choses, ou pour un job ou quoi, et puis, ou bien t'es jaloux, t'as de la jalousie, ou t'as une dispute avec quelqu'un, ou bien tu veux te disputer, si t'es disputé avec quelqu'un au sujet de, par exemple, tu veux être le chef, tu ne veux pas, ou des choses comme ça. Donc, si là tu commences à parler contre lui et à montrer que tu fais ça pour une bonne intention dans le but de donner le conseil, alors qu'en réalité dans ton cœur, tu le fais uniquement parce que tu veux rabaisser la personne et que tu veux parler mal contre lui, alors dans ce cas-là, ça fait partie des actions du shaitan, des actes du shaitan. Mais ça fait pas partie de donner le conseil aux musulmans. Donc le cheikh il dit السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد اجماعهم على ذم البدع وأهلها والتحذير منها ومن أهلها اتباعا للكتاب والسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالواجب اتباعهم في ذلك. Donc le cheikh il dit السلف الصالح et les sahaba et ceux qui les ont suivis dans leur minhaj, dans leur voie, eh ben ils ont tous été d'accord. Il y a un consensus entre eux sur le fait de blâmer la bid'a et ceux qui le font, et d'avertir les gens contre la bid'a et ceux qui le font. Et l'obligation de suivre. Et ça, tout ça c'est par rapport au Coran et à la Sunna. Et c'est l'obligation, de les suivre dans ce sujet-là et dans ce domaine-là, d'accord ? En fait, c'est ça. Vous savez, une fois, on avait parlé des bid'a, puis on avait parlé qu'il y a des gens de bid'a, il existe, qu'il y a des bonnes bid'a, il y a des bid'a hasana, il y a des bid'a sayya. Hadith. Oui, c'est ça. Mais moi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que bon, même si tu regardes ce qu'il existe, il y a des bid'a hasana. Est-ce que vous avez déjà entendu un des imams d'Ahl-Sunnah quand il parle d'un muqtada, qu'il traite quelqu'un de muqtada en voulant dire, ah, lui, c'est un bon muqtada? Hein? Non, quand un des ulama cite quelqu'un comme étant un muqtada, c'est toujours pour le blâmer, c'est jamais pour lui dire quelque chose de bien. Hein? C'est jamais pour un bien. Ouais, dans le sens que tu comprends, dans le sens que quand tu dis, si tu dis que quelqu'un est muqtada, c'est pas une chose de bien, c'est pas une qualité qu'on lui donne, c'est une critique. Donc ça veut dire que si c'était il y avait des hasana, il faudrait dire ah c'est un mauvais muqtadir. Il fallait que les salafs clarifient ah lui c'est un mauvais muqtadir ou lui c'est un bon muqtadir. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont juste dit ah un muqtadir. Et quand ils disent muqtadir, automatiquement ça veut dire quelque chose de mal, quelque chose de mauvais, d'accord? Sauf dans le cas où quelqu'un est muqtada dans la dunya, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une bid'a dans la dunya, hein, quelqu'un qui a inventé le cellulaire, quelqu'un qui a inventé le micro, ça c'est des bid'a. Mais c'est des bid'a dans la dunya. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est rejeté, parce que ça ne fait pas partie des adorations, ça ne fait pas partie des croyances, et ça ne fait pas partie des religions, de la religion, hein, des choses de la dunya. Donc eux, ils mélangent la définition linguistique, c'est-à-dire dans la dunya, et la bid'a dans la religion, ils mélangent les deux, et ils essaient de faire croire, en utilisant des exemples de la dunya, qu'il y a des bonnes bid'a dans la religion. C'est une bid'a. Ouais, c'est ça, exactement. Inventer un cellulaire, ça, c'est une bonne bid'a, une bonne invention. Mais ça, c'est dans le dunya. Dans le dunya, il n'y aurait pas un autre mot, là-bas. Ouais, ben, on peut utiliser ça, on peut utiliser un autre mot, mais ça revient au même, c'est que c'est une bid'a. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise même un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Badi'u samawati wal ard. Badi'u samawati wal ard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui a. Oui, ben, c'est un des noms d'Allah. Al-Badi'u. Allah, c'est Al-Badi'u. C'est-à-dire celui qui a créé le ciel et la terre sans aucun exemple précédent. Il a créé le ciel et la terre sans que personne d'autre l'ait fait avant lui, vous savez. Il a amené cette création-là à partir de rien, il a créé comme ça et il a amené sans aucun modèle précédent. Donc ça veut dire, subhanallah, ça c'est dans la langue arabe. On utilise le mot bid'a pour le bien et pour le mal. Mais dans la religion, toutes les bid'a sont valables. C'est ça qu'il fallait juste comprendre. والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. La semaine prochaine, inshallah.